Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Vincent Van Gogh a écrit à son frère Théo près de la moitié de sa vie, de l'année 1872, il avait alors 19 ans, jusqu'au jour de sa mort, le 29 juillet 1890, à Auvers-sur-Oise, des suites du coup de revolver qu'il s'était tiré en pleine poitrine. En 1987, le comédien et metteur en scène Jean-Gabriel Nordman proposait pour France Culture une série d'émissions nous donnant à entendre plusieurs extraits de cette correspondance. Comme il le soulignait pour la présenter, Van Gogh était un homme avant d'être un peintre, avant d'être un génie, un suicidé, un fou, une valeur. Et c'est pour témoigner de cet homme que nous avons voulu faire entendre ces lettres à Théo, lettres de solitude, du combat, de l'appel à une fraternité qui manque à travers une écriture magnifique qui en fait aussi un grand écrivain. Dans le cinquième et dernier volet de la série, diffusé pour la première fois sur France Culture le 16 octobre 1987, on découvrait ainsi plusieurs lettres écrites par Van Gogh à la toute fin de sa vie, entre 1888 et 1890, dont la toute dernière, inachevée, retrouvée après sa mort. Lettre de Vincent Van Gogh à son frère Théo. Texte choisi et présenté par Jean-Gabriel Nordman, réalisé par Anne Lemaître. Cinquième et dernière partie, le métier de fou. Avec Jean-Gabriel Nordman, Vincent Van Gogh, Patrice Galbeau, le narrateur. Vincent est installé à Arles depuis février 1888. Il y travaille passionnément. Avec Gauguin, il veut fonder un centre d'artistes et il le presse de venir. Il décore leur atelier commun à l'avance et Gauguin arrive à la mi-octobre. Mais la collaboration et la fraternité tant attendues tournent à l'incompatibilité, à l'irritation, aux disputes. Le soir de Noël, Vincent jette son verre à la figure de Gauguin. Dans la nuit, il se coupe une oreille et la porte bien enveloppée à une prostituée dans un bordel. On le conduit à l'hôpital d'Arles. Quand on le laisse sortir, il retrouve un atelier déserté par l'ami Gauguin qui est rentré à Paris. Sa solitude alors l'effraie. Des hallucinations le poursuivent, l'obsèdent, l'épouvantent. L'angoisse s'empare de lui. Chassé d'Arles par une population à qui il fait peur, chassé par l'angoisse d'une crise prochaine, Vincent se décide, sur les pressants avis de Théo et du pasteur Sall, à entrer à l'asile de Saint-Rémy, où il continue à travailler, à peindre et à écrire à Théo. Arles. Hôpital-asile. 23 décembre 1888. Gauguin s'était un peu découragé de la bonne ville d'Arles, de la petite maison jaune où nous travaillons, et surtout de moi. J'enverrai à Gauguin ses tableaux restés à la maison. Écris un mot à la mère de ma part, que personne ne se fasse des inquiétudes. Mon cher Théo, je resterai encore quelques jours ici à l'hôpital, puis j'oserai compter retourner à la maison, très tranquillement. À présent, causons de notre ami Gauguin. L'ai-je effrayé? Enfin, pourquoi ne me donne-t-il pas signe de vie? Dis à Gauguin de m'écrire, et que je pense à lui, toujours. Je suis rentré chez moi aujourd'hui. 9 janvier 1889. Physiquement, je vais bien. La blessure se ferme très bien. Et la grande perte de sang s'équilibre puisque je mange et digère bien. Le plus redoutable serait l'insomnie. Et le médecin ne m'en a pas parlé, ni moi. Je ne lui en ai pas encore parlé, pas non plus. Mais je le combats moi-même. Cette insomnie, je la combats par une dose très très forte de camphre dans mon oreiller et mon matelas. Et si jamais toi-même ne dormais pas, je te recommande cela. Je redoutais beaucoup de coucher seul dans la maison. Et j'ai eu inquiétude de ne pas pouvoir dormir. Mais cela s'est bien passé, et j'ose croire que cela ne reparaîtra pas. La souffrance de ce côté-là à l'hôpital a été atroce. Et cependant, dans tout cela, étant bien plus bas qu'évanoui, je peux te dire comme curiosité que j'ai continué à penser à Degas. Gauguin et moi avions causé auparavant de Degas, et j'avais fait remarquer à Gauguin que Degas avait dit ceci: « Je me réserve pour les Arlésiennes. » Or, toi qui sais combien Degas est subtil, de retour à Paris, dis un peu à Degas que je l'avoue, que jusqu'à présent j'ai été impuissant à les peindre désempoisonner les femmes d'Arles, et qu'il ne doit pas croire Gauguin si Gauguin dit du bien avant l'heure de mon travail, qui ne s'est fait que maladivement. Or, si je me refais, je dois recommencer. Et ne pourrait pas atteindre de nouveau ces sommets où la maladie m'a imparfaitement entraîné. Le docteur Ray m'a dit qu'il suffisait d'être très impressionnable pour avoir eu ce que j'avais eu quant à la crise. Maintenant, dans ces paiements faits, considérant que toute la maison était dérangée par cette aventure, et tout le linge et mes habits souillés, y a-t-il dans ces dépenses rien d'indu, d'extravagant ou d'exagéré? Si aussitôt en rentrant, j'ai payé ce qui était dû à des gens à peu près aussi pauvres que moi-même, y a-t-il erreur de ma part? Ou ai-je pu économiser davantage? Je trouve assez étrange que Gauguin me réclame un tableau de tournesol en m'offrant en échange quelques études qu'il a laissées ici. Pour le moment, je garde mes toiles ici. Et catégoriquement, je garde moi mes tournesols en question. Il en a déjà deux. Que cela lui suffise. Cela me fatigue de récapituler tout cela, et de calculer et recalculer des choses de ce genre. Toi qui désires savoir comment étaient les choses, as-tu déjà lu le Tartarin tout entier? Cela t'apprendrait passablement à reconnaître Gauguin. Rien ne nous empêche de voir en lui le petit tigre Bonaparte, qui toujours abandonnait les armées dans la dèche. Puis il est père d'enfants, puis il a sa femme et ses enfants dans le Danemark, et il veut simultanément aller tout à l'autre bout du globe, à la Martinique. C'est effroyable, tout le vice-versa de désir incompatible que cela doit lui occasionner. Laissez-moi tranquillement continuer mon travail. Si c'est celui d'un fou, ma foi, tant pis. Je n'y peux rien. Les hallucinations intolérables ont cependant cessé actuellement, se réduisant à un simple cauchemar, à force de prendre du bromure de potassium, je crois. Et encore une fois, ou bien enfermez-moi tout droit dans un cabanon de fous, je ne m'y oppose pas, en cas que je me trompe, ou bien laissez-moi travailler de toutes mes forces, tout en prenant les précautions que je mentionne. Si je ne suis pas fou, l'heure viendra où je t'enverrai ce que je t'ai dès le commencement promis. Or, les tableaux peut-être fatalement devront se disperser, mais lorsque tu verras l'ensemble de ce que je veux, tu en recevras, j'ose espérer, une impression consolante. Tu auras été pauvre tout le temps, pour me nourrir, mais moi, je rendrai l'argent, ou je rendrai l'âme. Maintenant viendra ta femme qui a bon cœur pour nous rajeunir un peu, nous autres vieux. C'est vrai ce que je te dis. S'il n'est pas absolument nécessaire de m'enfermer dans un cabanon, alors Je suis encore bon pour payer au moins en marchandises ce que je puis être tenté de devoir. En terminant, je dois encore te dire que le commissaire central de police est hier venu très amicalement me voir. Il m'a dit en me serrant la main que si jamais j'avais besoin de lui, je pourrais le consulter en ami. Ce à quoi je suis loin de dire non, mais je pourrais bientôt être justement dans ce cas-là s'il s'est levé des difficultés pour la maison. J'attends venir le moment de payer mon mois pour interviewer le gérant ou le propriétaire dans le blanc des yeux. Mais pour me foutre dehors, ils en seraient plutôt à cul, à cette occasion-ci au moins. Le travail justement me distrait. Et il faut que je prenne des distractions. Hier, j'ai été aux Folies Arlésiennes, le théâtre naissant d'ici. Cela a été la première fois que j'ai dormi sans cauchemar grave. On donnait, c'était une société littéraire provençale, ce qu'on appelle un Noël ou pastoral, une réminiscence du théâtre du Moyen-Âge chrétien. C'était très étudié, et cela doit leur avoir coûté de l'argent. Naturellement, cela représentait la naissance du Christ, entremêlée de l'histoire burlesque d'une famille de paysans provençaux, ébahis. Bon, ce qui était épatant comme une eau-forte de Rembrandt, c'était la vieille paysanne. Juste une femme comme serait Madame Tanguy, au cerveau en silex ou pierre à fusil, fausse, traître, folle. Tout cela se voyait dans la pièce. Or celle-là, dans la pièce, amenée devant la crèche mystique de sa voix chevrotante, se mettait à chanter, et puis la voix changeait de sorcière en ange, et de voix d'ange en voix d'enfant. Et puis la réponse par une autre voix, celle-là ferme et vibrante, chaudement, une voix de femme derrière les coulisses. Cela, c'était épatant. Moi, avec ce petit pays-ci, j'ai pas besoin d'aller au tropique. Et je crois qu'il sera merveilleux. Mais enfin, personnellement, je suis trop vieux. Et surtout si je me faisais mettre une oreille en papier mâché, trop en carton pour y aller. Gauguin le fera-t-il? Ce n'est pas nécessaire. Car si cela doit se faire, cela se fera tout seul. Nous ne sommes que des anneaux dans la chaîne. Ce bon Gauguin et moi, au fond du cœur, nous comprenons. Et si nous sommes un peu fous, ne sommes-nous pas un peu assez profondément artistes aussi pour contrecarrer les inquiétudes à cet égard, par ce que nous disons du pinceau? Tout le monde aura peut-être un jour la névrose, le hurla, la danse de Saint-Guy ou autre chose. Mais le contrepoison n'existe-t-il pas? Dans Delacroix, dans Berlioz et Wagner. Et, vrai, notre folie artistique à nous autres tous. Je ne dis pas que surtout moi je n'en sois pas atteint jusqu'à la moelle, mais je dis et maintiendrai que nos contrepoisons et consolations peuvent avec un peu de bonne volonté être considérés comme amplement prévalents. Tout à toi, Vincent. Janvier 1889. Il a fait aujourd'hui un temps magnifique, sans vent. Certes, il y a encore des signes de surexcitation précédente dans mes paroles. Mais que cela n'a rien d'étonnant, puisque dans ce bon pays tarasconnais, tout le monde est un peu toqué. Je dois dire ceci, que les voisins sont d'une bonté particulière pour moi. J'ai été hier revoir la fille où j'étais allé dans mon égarement. On me disait là que des choses comme ça, ici dans le pays, mais rien d'étonnant. Elle en avait souffert et s'était évanouie, mais avait repris son calme. Me considérer, moi, comme tout à fait sain, il ne faut pas le faire. Je ne te demande donc pas de dire de moi que je n'ai rien, ou n'aurai rien. Où puis-je aller pire que là où j'ai déjà été à deux reprises, au cabanon? Les avantages que j'ai ici sont que ils sont tous malades ici, et alors au moins je ne me sens pas seul. Il m'a semblé voir dans ta bonne lettre tant d'angoisse fraternelle contenue qu'il me semble de mon devoir de rompre le silence. Je t'écris en pleine possession de ma présence d'esprit, et non pas comme un fou, mais en frère que tu connais. Voici la vérité. Un certain nombre de gens d'ici ont adressé au maire une adresse, il y avait plus de 80 signatures, me désignant comme un homme pas digne de vivre en liberté, ou quelque chose comme ça. Le commissaire de police a alors donné l'ordre de m'interner de nouveau. Après ton mariage, nous pourrons nous occuper de mettre tout cela au clair. Ici, sauf la liberté, sauf bien des choses que je désirerais autrement, je ne suis pas trop mal. Comment vont la mère et la sœur? Mon cher frère, le mieux reste peut-être de blaguer nos petites misères et aussi un peu les grandes de la vie. Que je voudrais pouvoir t'envoyer mes toiles, mais tout est sous clé, verrou, police et garde-fou. Ne me délivre pas, cela s'arrangera tout seul. Monsieur Ray dit qu'au lieu de manger assez et régulièrement, je me suis surtout soutenu par le café et l'alcool. J'admets tout cela. Mais vrai, restera-t-il que pour atteindre la haute note jaune que j'ai atteint cet été, il m'a bien fallu monter le coup un peu. Faut-il que je souffre l'emprisonnement ou le cabanon? Pourquoi pas? J'y songe d'accepter carrément mon métier de fou, ainsi que Degas a pris la forme d'un notaire. À la fin du mois, je désirerais aller encore à Saint-Rémy. Et provisoirement, je désire rester interné, autant pour ma propre tranquillité que pour celle des autres. Recommencer cette vie de peintre de jusqu'à présent, isolé dans l'atelier, sans autre ressource pour se distraire que d'aller dans un café ou un restaurant, avec toute la critique des voisins, je ne peux pas. Il me semblait surtout triste qu'avec tant de fraternité, tout cela m'avait été donné par toi, et que tant d'années durant, c'était pourtant toi seul qui me soutenais. Et puis, d'être obligé de revenir te dire toute cette triste histoire. La bonté que tu as eue pour moi n'est pas perdue, puisque tu l'as eue, cela te reste. La compagnie des autres malades ne m'est pas du tout désagréable, me distrait au contraire. Toutes tes bontés pour moi, je les ai trouvées plus grandes que jamais aujourd'hui. Seulement, reporte sur ta femme cette affection tant que possible. Et si nous correspondons un peu moins, tu verras que si elle est telle que je la crois, elle te consolera. Voilà ce que j'espère. Adieu. Écris quand tu pourras. Tout à toi, Vincent. De mai 1889. Par moments, un orage de désir d'embrasser quelque chose, une femme, genre poule domestique, enfin. Je vis comme machinalement. Je travaille un peu. Là où je dois suivre une règle, comme ici à l'hospice, je me sens tranquille. Mais l'argent que coûte la peinture, cela m'écrase sous un sentiment de dette et de lâcheté. Moi, comme peintre, je ne signifierai jamais rien d'important. Je le sens, absolument. La folie est salutaire pour cela qu'on devient peut-être moins exclusif. Ils ont beaucoup de place ici à l'hospice. Il y aurait de quoi faire des ateliers pour une trentaine de peintres. Si je me rejette dans le travail, c'est bon, mais je reste toujours toqué. Saint-Rémy. Mon cher Théo, en voyant la réalité de la vie des fous, ou toqués d'hiver, dans dans cette ménagerie, je perds la crainte vague, la peur de la chose. Et peu à peu, je puis arriver à considérer la folie en tant qu'étant une maladie, comme une autre. Le médecin d'ici est enclin à considérer ce que j'ai eu comme une attaque de nature épileptique. Mais je n'ai pas demandé après. L'idée du devoir de travailler me revient beaucoup. Je resterai toujours abstrait et gaucher pour me débrouiller pour le reste de la vie. Quoiqu'ici il y ait quelques malades fort graves, la peur, l'horreur que j'avais auparavant de la folie, s'est adoucie. Les gens du peuple, qui se paient des chromos et écoutent avec sentimentalité les orgues de barbarie, sont vaguement dans le vrai, et peut-être plus sincères que certains boulevardiers qui vont au salon. J'ai une petite chambre, à papier gris vert pâle, un fauteuil très usé. À travers la fenêtre barrée de fer, j'aperçois un carré de blé. Avec cela, comme il y a plus de 30 chambres vides, j'ai une chambre encore pour travailler. Le manger est comme ci, comme ça. Ces malheureux ne faisant absolument rien, pas un livre, rien pour les distraire qu'un jeu de boules et un jeu de dames, n'ont d'autre distraction journalière que de se bourrer de pois chiches à des heures fixes. Auparavant, j'avais de la répulsion pour ces êtres, et cela m'était quelque chose de désolant que tant de gens de notre métier avaient fini comme cela. À présent, je ne trouve pas plus atroce que si ces gens seraient crevés d'autre chose, de la phtisie ou de la syphilis, par exemple. Entre nous, nous nous comprenons très bien. Je peux, par exemple, causer quelquefois avec un qui ne répond qu'en son incohérent parce qu'il n'a pas peur de moi. Je prends deux fois par semaine un bain où je reste 2 heures. Ce qu'il me serait fort agréable d'avoir ici pour lire de temps en temps, ce serait un Shakespeare. Ce que seul ou presque seul Rembrandt a parmi les peintres, cette tendresse navrée, cet infini surhumain, on le rencontre dans Shakespeare. Je vis sobre ici parce que j'ai la possibilité de le faire. Je buvais autrefois parce que je ne savais plus comment faire autrement. Enfin, cela m'est d'un égal. Durant bien des jours, j'ai été absolument égaré, comme à Arles. Et il est à présumer que ces crises reviendront encore dans la suite. C'est abominable. Je ne suis pas encore en état d'aller à Paris. À moins que ce soit à Charenton. Cette crise nouvelle, mon cher frère, m'a pris dans les champs. Et lorsque j'étais en train de peindre par une journée de vent, je t'enverrai la toile, que j'ai achevée quand même. Je suis si content que, si ici parfois il y a des cafards dans le manger chez toi, il y a femme et enfant. J'ai eu une fureur sourde de travail, plus que jamais. Mais je crois que ça contribuera à me guérir. J'espère que la famille soit pour toi ce qu'est pour moi la nature, les modes de terre, l'herbe, le blé jaune, le paysan. Ainsi, à moitié enfermé, même, je pourrais pendant longtemps m'occuper. Veuillez prier Monsieur Aurier de ne plus écrire des articles sur ma peinture. Je me sens trop abîmé de chagrin pour pouvoir faire face à de la publicité. Faire des tableaux me distrait, mais si j'en entends parler, cela me fait plus de peine qu'il ne le sait. En janvier 1890, dans le Mercure de France, un critique signale pour la première fois la peinture de Van Gogh. Vincent s'en réjouit. Le mois suivant, Théo lui annonce qu'il a vendu pour la première fois une de ses toiles, la Vigne rouge. Ce sera le seul tableau vendu de son vivant. Vincent souhaite revenir à Paris. Sur les conseils de Pissarro, Théo trouve une place dans une clinique près de Paris, Auvers-sur-Oise, la clinique du docteur Gachet. Vincent quitte Saint-Rémy le 18 mai 1890. Il passe rapidement par Paris, où il retrouve Théo et sa femme, Théo est marié depuis 1 an, et leur petit enfant. Le 21 mai, il est installé à Auvers. De nouveau, il peint. De nouveau, il écrit à Théo. Le 27 juillet, hanté par l'angoisse, dans un champ, il se tire une balle qui se loge dans l'aine. Il trouve la force de revenir vers la clinique. Le docteur Gachet prévient Théo qui accourt, mais Vincent est déjà mort. On trouve sur lui cette dernière lettre qu'il n'avait pas encore postée. Mon cher frère, merci de ta bonne lettre et du billet de 50 francs qu'elle contenait. Puisque cela va bien, ce qui est le principal, pourquoi insisterais-je sur des choses de moindre importance, ma foi ? Avant qu'il y ait chance de causer affaire à tête plus reposée, il y a probablement loin. Les autres peintres, quoi qu'ils en pensent, instinctivement se tiennent à distance des discussions sur le commerce actuel. Eh bien, vraiment, nous ne pouvons faire parler que de nos tableaux. Mais pourtant, mon cher frère, il y a ceci que toujours je t'ai dit, et je le redis encore une fois, avec toute la gravité que puissent donner les efforts de pensée, assidûment fixés pour chercher à faire aussi bien qu'on peut, je te le redis encore, que je considérerai toujours que tu es autre chose qu'un simple marchand de coraux, que par mon intermédiaire, tu as ta part à la production même de certaines toiles qui, même dans la débâcle, gardent leur calme. Car c'est là où nous en sommes. Et c'est là le principal que je puisse avoir à te dire dans un moment de crise relative. Dans un moment où les choses sont fort tendues entre marchands de tableaux, d'artistes morts et d'artistes vivants. Eh bien, mon travail à moi, j'y risque ma vie. Et ma raison y a fondu à moitié. Bon. Mais tu n'es pas dans les marchands d'hommes, pour autant que je sache. Et tu peux prendre parti, je le trouve, agissant réellement avec humanité. Mais que veux-tu ? Théo ne put supporter la mort de son frère. Frappé de paralysie, il fut transporté en Hollande par les soins de sa femme et y mourut en janvier 1891, 6 mois après Vincent, à 34 ans. Ils sont enterrés côte à côte à Auvers-sur-Oise. Lettre de Vincent Van Gogh à son frère Théo. Texte choisi et présenté par Jean-Gabriel Nordman, réalisé par Anne Lemaître. Cinquième et dernière partie, le métier de fou. Avec Jean-Gabriel Nordman, Vincent Van Gogh, Patrice Galbeau, le narrateur. Prise de son et mixage, Jean-Claude Gauthier. Jean-Richard Dufour. Assistante, Josette Villette. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 octobre 1987. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.